C'est comme du chocolat chaud qui vous fondrait dans les doigts. Ma phrase est un peu barjo, on ne sait pas où est-ce qu'on va. J'ai perdu la tête depuis quelques temps déjà. Je dis toujours des trucs bizarres et je m'habille toujours comme ça. Je ne suis pas original, j'ai une tête d'ahuri. Je suis plutôt un mec banal depuis que j'ai quitté Paris. Je ne suis pas original et puis je le revendique. Je suis plutôt un mec banal qui aime les femmes et le flic. Yeah! En plein centre d'un village, je cultive des fraises, des bois et je fais plus vieux que mon âge. J'ai soufflé l'année dernière sur un gâteau de 25 ans. Je suis toujours célibataire et je m'approche des 50 ans. Je ne vote pas pour l'UMP et je suis intermittent. J'ai pas de permis, je suis à pied et je perds toujours mon temps. Je ne vote pas pour l'UPC, j'ai pas d'amis qui sont flics. Ma mère me casse les pieds parce que je fume du hakik. Parfait, parce que je suis musicien, j'aurais bien besoin d'être aidé pour trouver une fin. Tout ça pour dire je suis pas parfait, parce que je suis musicien. Je prends les mots pour les faire danser, c'est ça mon petit train-train. Yeah! Parce que je suis musicien, je prends les mots pour les faire danser, c'est ça mon petit.